第三段。 Gimel PL Kal Levi Tzachak PL Levi Tzichek Kal Hanavi Shavar et Hakos PL Moshe Shibar et Haluach Kal Kadash Hayom Hahu PL Kidesh Adonai et Hayom Hahu PL Hillel et Adonai Bechol Libo